J'étais l'enfant d'un siècle fou, j'avais la tête pleine d'oiseaux, je construisais de beaux châteaux, je vidais la mer dans un trou. La mer était belle à mourir, j'étais une fleur à cueillir, la vie était un jeu d'enfant, je prenais vraiment tout mon temps. J'avais pour moi l'éternité, pour vider la mer dans un trou, je me saoulais de liberté et je réinventais la roue. J'étais l'enfant d'un siècle chaud, dans ma petite tête il faisait beau, mes châteaux se tenaient debout et mon royaume était partout. Je suis devenu un homme, les mots sont mes plus beaux châteaux, mais comme une image vaut mille mots, mes beaux châteaux vont prendre l'eau. Les mots deviennent des numéros, un plus un égale zéro, plus on note zéro, plus on vaut, quand on signe son nom à l'endos. Je suis l'enfant d'un siècle de fou, les riches creusent aux pauvres un trou noir, donnez-moi donc un peu à boire. Et tant qu'à y être, versez-moi la mer. Et je rêve encore. J'étais petit, je m'y baignais dans la lumière. Oui, mais aujourd'hui, les rivières prennent l'eau.